Chapitre 16. Toute la communauté des Israélites partit d'Élim pour arriver au désert de Sin, qui est entre Élim et le Sinaï. Le 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte. Alors toute la communauté des Israélites murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les Israélites leur dirent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Car vous nous avez fait venir dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. L'Éternel dit à Moïse: je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut du ciel. Le peuple sortira et en recueillera jour par jour la quantité nécessaire. Ainsi, je le mettrai à l'épreuve et verrai s'il marche ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il y en aura 2 fois plus que ce qu'ils récoltent chaque jour. Moïse et Aaron dirent à tous les Israélites: ce soir, vous reconnaîtrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Moïse dit: l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger, et au matin du pain à satiété. L'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont dirigés vos murmures, c'est contre l'Éternel. Moïse dit à Aaron: dis à toute la communauté des Israélites: approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Tandis qu'Aaron parlait à toute la communauté des Israélites, ils se tournèrent du côté du désert, et voici que la gloire de l'Éternel apparut dans la nuée. L'Éternel parla à Moïse et dit: j'ai entendu les murmures des Israélites. Parle-leur en ces termes: entre les 2 soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasirez de pain, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel votre Dieu. Le soir, des cailles montèrent et couvrirent le camp. Et au matin, il y eut autour du camp une couche de rosée. Quand cette couche de rosée se leva, il y avait à la place du désert quelque chose de menu, de granuleux, quelque chose de menu comme le givre sur la terre. Les Israélites regardèrent et se dirent l'un à l'autre: qu'est-ce que c'est? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit: c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné: recueillez-en chacun ce qu'il lui faut pour sa nourriture, un homère par tête, selon le nombre de personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi. Et ils en recueillirent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui en avait plus n'avait rien de trop, et celui qui en avait moins n'en manquait pas. Chacun recueillait ce qu'il lui fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit: que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse. Il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse s'indigna contre ces gens. Tous les matins, chacun recueillait ce qu'il lui fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le 6e jour, ils recueillirent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les chefs de la communauté vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit: « C'est ce que l'Éternel a déclaré. Demain est le jour férié, le saint Shabbat de l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et tout le surplus, laissez-le en réserve jusqu'au matin. » Ils le laissèrent jusqu'au matin comme Moïse l'avait ordonné. Et cela ne devint pas infect. Il ne s'y trouva pas de vermine. Moïse dit, « Mangez-le aujourd'hui, car aujourd'hui c'est le Shabbat en l'honneur de l'Éternel. Aujourd'hui, vous n'en trouverez pas dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en recueillerez, mais le 7e jour, c'est le Shabbat, il n'y en aura pas. » Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en recueillir, mais ils n'en trouvèrent pas. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois ? Voyez que l'Éternel vous a donné le Shabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun de vous reste où il est, que personne ne quitte sa place le 7e jour. » Et le peuple respecta le Shabbat le 7e jour. La maison d'Israël donna le nom de manne à cette nourriture, qui ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Moïse dit, « Voici ce que l'Éternel a ordonné. Qu'un plein omer de manne soit conservé pour vos générations futures, afin qu'elles voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, que je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. » Et Moïse dit à Aaron, « Prends une urne, mets-y un plein omer de manne et dépose-la devant l'Éternel, afin qu'elle soit conservée pour vos générations futures. » Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage, afin qu'il soit conservé. Les Israélites ont mangé la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils ont mangé la manne jusqu'à leur arrivée à la limite du pays de Canaan. L'omer est la 10e partie de l'épha.